On va parler de baseball avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Ça meurt dans le baseball, c'est incroyable. Mais avant de parler d'un autre décès, une nouvelle qui vient juste de tomber au moment où on enregistre le podcast, je veux parler de mon équipe, les Blue Jays. Écoute, George Springer, c'est une belle acquisition, c'est vraiment le fun. Par contre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. J'en parlais avec François Paquette de TVA Sport puis, ce matin. Les Jays vont avoir besoin d'un frappeur gaucher de puissance. C'est là que Rowdy Tellez pourrait être important pour un petit peu équilibrer un peu la puissance droite-gauche. Tu comprends ce que je veux dire? Et Oui, également absolument. un lanceur partant. Puis la clé que personne parle, c'est Robert Ray. Moi, si Robert Ray redevient le Robert Ray qu'on a connu en 2017-2018, attention, là, les Blue Jays, là, sont une menace sérieuse, là. Ben, écoute, c'est un bon point que tu soulignes, les frappeurs droitiers, gauchers. Pour ça que j'ai peut-être l'impression qu'on va, écoute, là, on s'avance un peu, mais que Bijou resterait premier frappeur, que Springer frapperait deuxième pour avoir cette combinaison gaucher-droitier en partant. Mais effectivement, Thélèse prend toute son importance. Mais il y a effectivement d'autres questions. Bon, est-ce que Vlad va pouvoir jouer au troisième de façon régulière? Ça, c'est pas certain non plus. Mais on va dans la bonne direction. Puis moi, là, ce que j'aime de tout ça, là, c'est que non seulement c'est le plus gros contrat octroyé par un joueur des Blue Jays, mais tu sais, force est d'admettre que les Expos vivaient aussi, puis même les Blue Jays, c'est de signer des joueurs autonomes américains. Parce que de signer des joueurs latinos, de signer, bon, puis on a signé Injun Ryu l'année dernière, le Coréen. Tu sais, les Blue Jays ont toujours été bons avec ça, ont toujours des bonnes relations. Mais de signer un joueur d'impact américain comme joueur autonome. Là, je parle pas via transaction, je parle comme joueur autonome. Surtout, C'est une grosse victoire de vente, moi, je pense, du côté des Blue Jays de Toronto. cette année, quand tu sais pas s'ils vont jouer à Buffalo ou à Toronto. Ben, en plus. Donc, ça donne. Tu sais, puis souvent, là, quand tu veux signer, là, le joueur autonome, il fait quoi? Premièrement, il va dire, c'est quoi ma place dans l'équipe? C'est-tu une équipe le fun? C'est quoi les joueurs? C'est qui est là-dedans? C'est-tu une bonne équipe? Tu sais, je m'en vais où avec ça? Alors, de toute évidence, bon, il y a eu le bon pitch de vente de l'organisation, mais il y a certainement, je suis convaincu, des joueurs qui ont parlé à Springer avant qu'il prenne sa décision. Puis, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, il faut pas se le cacher, là. Rogers, c'est une propriété, évidemment, des Blue Jays. Tu sais, ils en ont de l'argent. Bon, tu sais, je veux pas tout garocher l'argent dans l'équipe, mais ils ont de l'argent. Alors, là, je trouve que Toronto, qui n'est pas un petit marché en passant, qui est un gros marché du baseball majeur, ben là, est en train d'agir en propriétaire de gros marchés. Et je trouve ça ben le fun parce que moi, je me rappelle le 2015, 2016, le party était pris à Toronto, ça a aidé le baseball partout au Canada. Puis là, il y a un très bon noyau. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu en série, il manque pas grand-chose. Tu as souligné Robbie Ray qui, effectivement, comme peut-être comme deux ou troisième partant, là, tu dépends. Bon, un paquet de facteurs, mais oui, on va avoir besoin d'aide. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, avec l'arrivée de Springer, ben là, qui devient un petit peu plus vulnérable, qui pourrait agir comme transaction? Ben, écoute, Grichuk, qui n'a pas une très grande valeur, par contre, ne coûte pas si cher que ça. Il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Fait qu'on a des atouts présentement du côté des Jays pour transiger, pas nécessairement aller sur le marché des joueurs autonomes, pour aller justement se donner un bras additionnel comme partant, parce qu'avec Kirby Yates maintenant en relève, là, soudainement, on a quelque chose de fort intéressant. T'as Romano, t'as Dolis qui sont là également, qui peuvent faire le Puis en fin travail. de match, là, si Romano reste en santé puis il fait le travail, ça Dolis. va devenir, tu sais, ben, Dolis, effectivement. Donc, moi, je pense qu'on est popé. Puis, tu sais, Tyler Chatwood, là, qu'on a mis sous contrat, ou en tout cas qui provient des Cubs, c'est un excellent bras. Puis souvent, c'est le genre de joueur que, oups, s'il trouve une espèce de synergie avec l'instructeur des lanceurs, puis qu'on trouve un moyen de corriger un peu son manque de précision, t'as peut-être aussi un excellent bras, là, qui pourrait agir aussi comme lanceur. Moi, j'en parlais avec François Paquette tantôt. Walker, qu'on a acquis la dernière année, qui est encore joueur autonome, comme quatrième partant, c'est pas mauvais. Là. C'est plus ça, là, le troisième, quatrième partant. Il a pas mal fait avec les Jays qu'ils sont allés chercher à la fin de l'année. Là. Les joueurs autonomes aussi, qu'on n'a pas cherché. Non, hein? Effectivement. Ouais, parce que des gars comme Tanner Rourke, on l'a vu l'an dernier, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, tu sais, jouer dans la division Est américaine, d'affronter l'attaque des Rays, d'affronter l'attaque des Yankees, là, souvent, c'est des gars comme Rourke, ça passera pas à travers. Là. Donc les Jays ont encore un peu de choses à faire, mais je vais dire, c'est vraiment le fun de voir où ils s'en vont. Tu sais, longtemps, on a blâmé un peu cette organisation-là après le départ d'Antopoulos, puis on se disait, ils s'en vont où, là? Mais là, force est d'admettre là, qu'on s'en va dans une direction qui est bien intéressante. Et ça, je voyais ça sur le site des Blue Jays. C'est le site que je consulte, Jays Journal, que tu connais bien, ou encore Blue Panda. Oui, oui, oui. Blue Panda, qui est un autre très, très bon site sur les Blue Jays. Puis on faisait le bilan, puis ça fait 5 ans, Shapiro et Ross Haskins. Et j'étais un de ceux, puis Marc aussi, comment on a fait de chronique ensemble, pour qu'on dise où ils s'en vont, cette organisation-là. Force est d'admettre qu'il y en avait raison de blâmer, parce que t'sais, quand Antopoulos est parti, les actions de Rogers, les actions à la bourse de Rogers étaient à la hausse. T'sais, le fund était parti à Toronto puis dans le Canada au complet. Mais forcé d'admettre que ces gens-là avaient un plan, puis c'est un plan solide aussi. Là. Ben, faut faire attention aussi parce que peut-être qu'on a embauché Shapiro aussi, puis la direction baseball. Rappelle-toi, là, on a pris des décisions financières rapidement pour diminuer la masse salariale. Ouais. Donc, je ne sais pas si parfois tu as un ordre d'en haut qui dit « Hey, les boys, il faut diminuer ça pas mal. » Alors là, tu as des décisions baseball qui sont prises, mais on ne connaît pas tout le contexte. Ouais. Là, on a peut-être dit « Ben, les gars, là, tout va bien, vous avez le chéquier, puis go, on veut faire partir la machine. » Tu sais, il y a des détails des fois qui nous échappent sur des décisions qui sont prises. Mais là, au moins, c'est un paquet de bons jeunes, on n'aimera pas toutes, mais on les connaît. Et là, d'avoir un gars comme Springer arrivé, tu sais, longtemps, moi, je me souviens que lorsqu'on avait laissé aller Encarnacion, qu'on avait laissé aller Russell Martin, je me dis, faut faire attention à ça, parce que lorsque tu as des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, tu aimes ça les avoir à côté. Tu sais, imagine-toi Vlad Guerrero, là, s'il y avait eu Encarnacion à côté de lui pendant un an ou deux, là. C'est beaucoup d'expérience acquis, ça, juste par jaser, puis à regarder, puis à observer, puis à... tu comprends ce que je veux dire? Là, on avait laissé un peu Vlad à lui-même, puis c'était pas facile. Donc, d'entourer cette gang-là avec un Springer qui a gagné, bon, oui, il fait partie de l'équipe des Astros qui a triché, là, on s'entend là-dessus, mais ça reste que, bon, tu sais, une fois que le match commence, c'est un peu oublié, je parle à l'intérieur d'une équipe. Alors, Springer peut amener non seulement, évidemment, un dynamisme à cette équipe-là, de la puissance, puis bon, un paquet d'affaires, mais son expérience aussi qui nuira pas, évidemment, avec les Bichette, Bijo et la compagnie. C'est incroyable. C'est vraiment le fun. J'ai bien hâte que ça... Et un qui a de la pression, c'est Charlie Montoyo. Tu sais, Montoyo a fait un bon job cette année. Montoyo a fait un très bel job à développer. D'ailleurs, il a été en nomination comme candidat au gérant de l'année. Par contre, développer et gagner, c'est deux choses. Il y a des gérants qui sont excellents pour développer. Il a fait des séries. Mais là, le spotlight va être sur lui. Là. C'est différent, là, Marc. Tu es d'accord avec moi? Oui, je comprends. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire que les Jays s'en vont vers le haut. Tu as raison de mentionner que oui, on développe, mais là, on dépense des sous. Là. 150 millions pour un joueur. Ouais. Effectivement, là, son rôle va être d'amener l'équipe à un autre niveau, pas stagner en développement. Oui, effectivement. Marc, ça meurt beaucoup, hein. C'est incroyable. Écoute, ça fait déjà trois légendes depuis le début de l'année qui décèdent. Tommy Lasorda, j'ai parlé avec Jerry Royce, j'ai fait une entrevue avec. Rapidement, Tommy Lasorda, tu l'as connu aussi. C'était Royce qui était avec lui pendant des années de temps, m'a dit que c'était un gars qui était extrêmement, qui était généreux, faisait pas toujours l'amitié parce que c'est un gars qui avait showman pour les Dodgers, mais c'est un gars quand même qui était exigeant pour les joueurs, mais il n'avait que de bons souvenirs de Tommy Lasorda. Bon, écoute, rapidement, dans le cas de Tommy, puis en fait, si on va plus loin, là, il y a d'autres membres de l'organisation des Dodgers, malheureusement, qui sont décédés. Ouais. Des gars comme Guy Wellman, que les gens connaissent moins, mais qui, moi, m'a beaucoup aidé à mon arrivée avec les Dodgers. Alors, c'est triste de voir tout ça. Mais dans le cas de Tommy, écoute, Une chose est sûre, il a laissé personne indifférent. C'est un gars qui était peut-être pas le meilleur à t'enseigner la mécanique du baseball, mais il savait quoi dire pour t'amener à un autre niveau mentalement. Tu comprends d'être prêt. Moi, je vais toujours retenir, j'aurais bien des histoires à vous raconter sur Tommy Lasorda, mais je vous dirais que celle moi qui est venue me chercher et qui m'accompagne encore aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, Brett Butler était le premier frappeur du rôle offensif là-bas, frappeur gaucher, voltigeur de centre. J'avais le profil. Les Dodgers voulaient que je frappe beaucoup plus la balle au champ opposé. Donc, j'allais souvent faire du temps supplémentaire dans les cages. Puis, à un moment donné, la Sorda me croise puis dit, puis, comment ça va, là, toute cette transformation-là? Puis, j'avais répondu, écoute, j'essaye. Il me regarde puis il dit, t'essayes? Il dit, écoute, il dit, chauffeur d'autobus, puis chauffeur, puis la dame qui s'occupe de la cafétéria, là, les autres aussi peuvent venir essayer. Toi, tu le fais. Fait que là, tu comprends, fait que là, un instant. Fait que il dit, regarde, tout le monde peut essayer, mais si tu portes l'uniforme, ben fais-le. Puis si tu le fais, ben tu vois. Alors, tu sais, ça, c'est des affaires que j'apporte encore dans ma vie d'aujourd'hui. Puis Tommy, ben écoute, tu sais, c'est un vrai de vrai à ce niveau-là. Écoute, c'était du Dodger Blue qu'on appelait, là. Il saignait du Dodger Blue. C'était un grand personnage du baseball. Et c'était cette semaine, et c'est une belle initiative des Dodgers. Tu sais, Marc, les funérailles de Tommy Lasorda ont lieu au Dodger Stadium. Est-ce que tu savais ça? Exact. Donc ça veut tout dire. Donc ça veut tout dire. Sur le monticule, d'ailleurs, du Dodger Stadium, le dépôt immortel était là de Tommy Lasorda. Donc c'est quand même pas rien. Don Sutton. Don Sutton, écoute, c'est un autre excellent lanceur. Écoute, quand tu gagnes 300 victoires dans le baseball majeur, c'est pas rien. Là. Et un mot sur Don Sutton, Marc. Ben, écoute, Don Sutton, qui a effectivement même terminé sa carrière avec les Dodgers, mais ça a été écoute, comment je te dirais ça? C'était un excellent joueur, un excellent lanceur. Ouais. Caractère quand même assez... c'est un gars qui en est déjà pris au cou avec Steve Garvey. Là, ça vous donne une idée. Puis lorsqu'il a été commentateur, il a été commentateur longtemps, très bon d'ailleurs. En 2018, Mais c'était pas un fan de Montréal et ce n'était pas un fan des Expos. Ouais, c'est ça. Alors, qui repose en paix, là, je veux dire, ça a été un grand. Mais lui, c'était pas un gars qui a apprécié Montréal à ce niveau-là. Puis, comme je te dis, là, c'est pas le souvenir qu'on va garder de lui, là, mais il était dur avec Montréal, puis ça en frustrait plusieurs à l'époque. Mais ça reste un excellent, une carrière tout à fait fantastique. C'est un gars qui voulait lancer. Lui, il dit, peu importe l'uniforme que je porte, moi, je veux lancer, je veux gagner. C'est un peu l'attitude qu'il avait. Et ce matin, Hank Aaron, écoute, c'est pas rien, là, Hank Aaron qui décide. Est-ce que c'est un des 10 meilleurs joueurs de l'histoire du baseball? Ben, écoute, moi, je pense qu'il est dans le top 3. Top 3? Top 3 tant que ça? J'évalue beaucoup un joueur de baseball par sa constance. Le gars a joué 23, 24 ans. Il n'a jamais frappé 50 coups de circuit. Mais il a quand même été longtemps ce qu'on appelle le home run king. Puis d'ailleurs, plusieurs pensent encore qu'il l'est, même si, bon, Barry Bonds l'a dépassé. C'est encore lui qui mène pour les points produits de tous les temps. C'est un gentleman... jusqu'au bout des ongles. Okay. C'est un gars qui, après sa carrière, a été... tu comprends? Qui a été... Tu sais, quand tu rentres au Temple de la Renommée à chaque année, là, puis t'as tous des joueurs du Temple de la Renommée qui sont là, puis là, je parle des grands, mais il y en a un qui fait que quand il rentre dans une pièce, tout le monde arrête de jaser puis se retourne, puis c'est Hank Aaron. Okay. Lui, c'est tough parce qu'il était en bonne santé. Il avait 86 ans, ça allait bien. Tout le monde est sous le choc ce matin parce que c'est quand même assez subi, toute cette affaire-là. Mais c'est selon moi, là, comme joueur, ce qu'il dégageait, il a joué dans des années pas faciles. Là. On parle de Jackie Robinson, mais c'était pas facile lui non plus. Là. Okay. Puis, malgré tout ça, tu regardes les statistiques, il a passé à travers. Écoute, selon moi, c'est un des. C'est certainement un des top 3 de tous les temps. OK. Marc, il y a un sujet que je veux te parler. Je ne t'en ai pas parlé en dehors des ondes rapidement. Le temple de renommée, c'est la semaine prochaine qu'on va le savoir. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir Ryan Thibodeau, parce que Ryan Thibodeau dépose toujours ses jours, mais au moment. Ouais. L'autre jour, Il n'y avait personne au moment où on se parle qui rentrerait. Je ne sais pas si au moment où on se parle, le plus proche, c'était Kurt. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. C'était Kurt Schilling. Moi, je trouve ça, écoute, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, on a parlé plusieurs fois, que Bonds, que Ramirez, que Sammy Sosa, que Roger Clemens, qui sèchent un peu, qui attendent un peu leur tour, c'est correct, mais de là à ne pas les faire rentrer au temple, c'est une autre histoire. C'est des gars quand même même si tu enlèves les stéroïdes, là, c'est des gars dignes du temps de la renommée. Donc, ce serait peut-être le temps, non? Oui, ça, c'est la grosse patate chaude du baseball. Ouais, parce que dans le fond, on a vraiment garoché dans le coin les chroniqueurs de baseball d'Amérique la décision de dire est-ce qu'ils vont là ou ils vont pas là, parce que c'est eux autres qui votent. Fait que ça, c'est une première des choses. Puis, tu sais, si tu regardes, là, tu parles de Kurt Schilling, là, il y a plusieurs, avec ses propos qu'il a fait là, suite aux attentats qu'il y a eu aux États-Unis, là, puis il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont voté pour lui, qui veulent retirer leur vote, mais évidemment, on a refusé là, du côté du Temple de la renommée du baseball. Là. Mais, tu sais, parce que là, est-ce qu'on vote pour Kurt Schilling, le joueur sur le terrain, ou on vote pour Kurt Schilling, ou on ne vote pas pour Kurt Schilling pour les propos, qui sont pour certains déplacés, tu sais. Alors, il faut faire attention des fois lorsqu'on parle de Barry Bonds, de Clemens, de Kurt Schilling. Il faut regarder ce que les gars ont fait sur le terrain. C'est ça qu'on demande au niveau du Temple de la renommée. Oui, il faut avoir représenté notre sport d'une façon intègre. Ben, Eddie Murray a été longtemps, je pense, a été boudé. Puis c'était correct, là, parce qu'il n'a pas été fin avec les journalistes. Jacques Doucet me comptait au fait Steve Carlton, ça m'a fait Steve Carlton. Je n'avais pas le souvenir de Carlton, mais Murray, je le savais. Là. Mais de là, pour les faire rentrer, c'est autre chose. Oui. Mais moi, je me trouve des fois qu'on le baseball se met un peu la tête dans le sable. Parce que les années 90, on peut pas les effacer, là. Non, non. Ça existait, puis l'ère des stéroïdes, c'était là. Puis j'excuse pas, là, je suis pas en train de dire. Mais en toi puis moi, dernier, tu sais qu'il y a des gars qui sont au temps de la renommée aujourd'hui, qui en ont pris des stéroïdes. Ben, c'est juste qu'ils n'ont pas été pris, puis là, ceux qui ont été pris. Donc, elle est où la ligne? On la tranche où, cette ligne-là? Fait qu'elle est pas facile. Regarde, ils sont encore à 60%, mais t'as quand même 60% des chroniqueurs qui disent oui, moi je pense qu'il va être là. Puis t'en as encore 40% qui disent non. Fait que, tu sais, c'est une patate chaude qu'on est pogné avec. Puis à chaque fois que tu vas prendre une décision, ben là, le nom de Pete Rose va venir refaire ben surface. Oui, fait que c'est pas évident, ce dossier-là. Ouais, ouais, ouais. Dernier point, Marc, le frappeur de choix, j'ai vu un sondage, 71% des gens veulent le frappeur de choix. Moi, je suis un puriste, je suis un conservateur du baseball, Marc. Moi, j'ai toujours aimé mieux le baseball de la Ligue nationale parce qu'il y a plus de stratégie. Mais c'est forcé d'admettre que la convention collective s'en vient. Ça va faire partie quand même, je pense, des négociations de la convention collective. Et tu sais, frappeur de choix, t'ajoutes des jobs de plus. Là. Écoute, moi, je suis un peu comme Philippe Allou. Longtemps, j'étais contre. Longtemps, j'étais le puriste. Mais aujourd'hui, je pense que je me rends à l'évidence que le frappeur de choix a sa place. Dans le baseball, parce que la façon que ça s'est développé, là, c'est que les lanceurs, là, ils ne frappent pas dans les rangs mineurs, ils ne frappent plus. T'as un bon frappeur lanceur, là, si tu veux, sur combien? C'est un Bumgarner de temps en temps qui arrive, mais il n'y en a pas beaucoup des Bumgarner. Fait qu'à un moment donné, là, j'aime mieux voir Big Papi se présenter au bâton qu'un lanceur. Puis ça enlève un peu de stratégie, mais pas tant. Puis avec les défenses adaptées aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, tu sais, je veux dire, moi, je suis prêt, là. Le baseball est prêt, en tout cas, selon moi, à passer à autre chose. Puis qu'on puisse avoir, tu sais, 9 bons frappeurs dans le rôle offensif. OK. Marc, très intéressant. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. OK, merci.